Le samedi matin, le docteur donna le signal du départ. La chaleur devint intolérable et le thermomètre, à l'ombre, sous la tente, marqua 45 degrés Celsius. Les souffrances de la soif commencèrent à se faire sentir cruellement. Mais l'espoir poussait Samuel en avant. « Il faut faire un dernier effort, » se dit-il, vers 10 heures du matin. « Il faut tenter une dernière fois de découvrir un courant atmosphérique qui nous emporte. Il faut risquer nos dernières ressources. » Mais le docteur chercha vainement un souffle de vent. Enfin, l'eau d'alimentation s'épuisa. Le chalumeau s'éteignit, faute de gaz. La pile de Bunsen cessa de fonctionner. Et le Victoria, se contractant, descendit doucement à la place même que la nacelle y avait creusée. Il était midi. Le relèvement donna 19 degrés centigrades de longitude et 6 degrés 51 de latitude, à près de 500 milles du lac Tchad. « Nous ne désespérons pas, » dit le docteur. « À ces grandes chaleurs succèdent inévitablement des tempêtes sous cette latitude. Elles arrivent avec la rapidité de l'éclair. » Pour lutter contre les risques d'hallucination, le docteur résolut de partir de nuit, à pied, dans la plaine de sable, et se réveilla dans les bras de Joe. Celui-ci propose alors, en vain, de marcher seul, en attendant de trouver un village. Le lendemain, Kennedy, en proie au délire, menace de se suicider avec sa carabine, et Joe se précipite sur lui. Tous les deux luttèrent avec acharnement. Dans la lutte, la carabine partit soudain. Au bruit de la détonation, le docteur se releva, droit comme un spectre. Il regarda autour de lui. Mais tout d'un coup, voici que son regard s'anime. Sa main s'étend vers l'horizon, et d'une voix qui n'avait plus rien d'humain, il s'écrie « Là-bas ! Là-bas !» La plaine s'agitait comme une mer en fureur par un jour de tempête. « Le Simoun ! » s'écria-t-il. Il se mit à rejeter rapidement le sable qui laissait la nacelle. Ses compagnons le comprirent enfin, se joignirent à lui et prirent place à ses côtés. « Et maintenant, Joe, » dit le docteur, « jette-moi en dehors une 50aine de livres de ton minerai. » Joe n'hésita pas, et cependant il éprouva quelque chose comme un regret rapide. Le ballon s'enleva. « Il était temps !» s'écria le docteur.